One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Frères et sœurs en islam, toujours avec le tafsir de sourate An-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayah numéro 23, il dit « In hiya illa asma'un sammaytumuha amtum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan » إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Allah Azza wa Jal, il blâme les mouchriquins, les polythéistes qui adoraient avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités, par exemple les pierres que eux-mêmes concevaient et qu'ils prétendaient que ça c'était des partenaires avec Allah Azza wa Jal, ça les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là ne faisaient que concevoir quelque chose qui n'a pas de vérité et qu'ils lui mettaient un nom dessus, un label, une étiquette pour dire que ça c'est un dieu qui s'appelle telle chose. On doit l'adorer, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, ils ne suivent que le dhan et le hawa. Allah Azza wa Jal, il dit « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى » Sachant qu'ils ont reçu de leur Seigneur « مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى » la guidée. Un des ulama de tafsir, qu'est-ce qu'il a dit ici comme dans « Mawsu'at al-Tafsir » l'encyclopédie, dit quelque chose de très intéressant. « فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَلَقِّ الشَّرِيعَةِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الرَّبُ » C'est une indication ici que nul n'a le droit de recevoir la législation, la sharia, la religion, que du Seigneur. Parce que « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ » Allah Ta'ala n'a pas dit « وَلَقَدْ جَاءَهُمُ الْهُدَى » Ils ont certes reçu la guidée. Non. « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى » Ils ont reçu ce qui venait de leur Seigneur, la guidée. Ça veut dire la source de la guidée de la religion, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jalla. Ad-din, qala Allahu, qala Rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la religion. Au fondement, à l'essence de la religion, c'est Allah Ta'ala, il a dit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alayhi salatu wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est déjà cité dans sourate An-Najm, il ne parle que de la révélation. C'est pas lui qui invente la religion, alayhi salatu wa sallam. De ce fait, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la guidée qui vient d'Allah Azza wa Jal aussi. Le reste, ce n'est pas la religion, dans le sens où ce n'est pas l'essence de la religion. Pas l'extrême comme certaines personnes comprennent que le reste, ça n'a aucune utilité. Non. Il y a certains détails. Par exemple, les ulama, ils parlent de l'opinion des sahaba, des compagnons, surtout les quatre califes. Leur opinion, est-ce que c'est une source dans la jurisprudence en islam? Que grosso modo, oui, surtout les quatre, les khulafa, al-rashidin, al-mahdiin. On a parlé ça dans la série sur Usul al-Fiqh, par exemple. Mais pourquoi? C'est pas ici parce que les compagnons sont des gens qui sont infaillibles. C'est pas parce que eux, ce qu'ils disent, c'est la révélation du ciel. Non. Lorsqu'on parle des compagnons, c'est juste que les compagnons, surtout les khulafa, al-rashidin, et ainsi de suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa » Al-Rashidin, Al-Mahdiyin, Amin, Ba'di, suivez ma sunna ainsi que la voix des quatre califes, ou bien des califes bien guidés après moi. Pourquoi? Parce que leur voix, en vérité, ce n'est qu'une représentation de la communauté qui vivait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'islam, il était pratiqué dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sachant que Allah Azza wa Jal, et après ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont fait les louanges les louanges des compagnons, de leur foi, de leur intégrité, le fait que les compagnons, encore une fois, je donne ici juste l'idée générale, on n'entre pas dans les détails de Usul Fiqh, combien de compagnons, quels compagnons exactement, mais juste l'idée générale. Le fait qu'il y ait des compagnons qui pratiquent certaines choses de la religion d'une certaine façon, ça donne l'idée que d'où est-ce qu'ils ont pris ça? Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste une façon indirecte de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné. C'est pas parce que eux ce qu'ils disent c'est une révélation du ciel ou parce qu'ils sont une source qui est indépendante. C'est clair? وَلَقَدْ جَاءَهُمْ Mir Rabbihim, la même chose ici. La guidée leur est parvenue de leur Seigneur. Ils désobéissent à qui? À leur Seigneur, à Allah Azza wa Jal. C'est grave. Ils suivent le dhan, hawa, et ils désobéissent à leur Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Huda, dans la langue arabe, c'est quoi le style ici? Al-Huda, le mot Al-Huda. La guidée. Donc, comment on appelle ça? La guidée. Comment on appelle ça en arabe? Non, le style ici, dans la grammaire. Ma'rifa. Donc, il y a ma'rifa et nakira. Il y a huda. Huda, c'est une guidée. Une guidée parmi les autres. Non, Allah Ta'ala dit la guidée. Al-huda. L-A. Majuscule. Al-huda. C'est la guidée. Il n'y a pas une autre guidée. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé la guidée bien claire. C'est ça le chemin. À la place de suivre Adhan et de suivre Al-Hawa. Tayyib. Je pense un frère avait posé la question l'autre fois. Et ici, les ulama, ils disent « Fihi dalalatun ala butlani qissati al-gharaniq ». Donc, il y a une histoire que vous allez peut-être trouver dans les livres de certains des ennemis de l'islam, des orientalistes, des apostats, les murtaddin, tous les gens qui font comme ça leurs efforts li yasuddu an sabilillah pour égarer les gens du chemin d'Allah Azza wa Jalla. C'est ce qui est connu par l'histoire de Al-Gharaniq. C'est quoi cette fausse histoire de Al-Gharaniq? Vous allez trouver dans certains livres des narrations comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récité sourate An-Najm, il a dit aussi tilka al-gharaniq al-ula turja shafa'atuha, que les gharaniq, les divinités respectables que on espère, on souhaite leur intercession auprès d'Allah azza wa jalla, et ainsi de suite, et que là ça a poussé des mushrikin à être émerveillé par cette position du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, on ne peut pas attribuer quelque chose d'aussi ridicule au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de un. De deux, les ulama, si on regarde d'un point de vue narration, les ulama, imam, al-Bayhaqi, il dit « هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » dit l'imam Bayhaqi, l'un des savants du hadith, que cette histoire-là, elle est complètement fausse, non fondée, en termes de narration. Et il entre dans les détails des narrateurs et ainsi de suite pour expliquer pourquoi est-ce que cette histoire, elle n'est pas authentique. وَقَالَ الْإِمَامُ إِبْنُ خُزَيْمَ إِنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ. Imam Ibn Khuzaym, elle dit que cette histoire, elle a été inventée. وضع, ça veut dire fabriquée. Il y a un hadith faible et un hadith qui est quoi? وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. C'est quoi la différence entre hadith faible et hadith fabriqué? Oui. Jazakallah khair. Donc ça peut être un hadith, il y a plusieurs niveaux de faiblesse. Ça peut être un hadith que il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, mais on ne peut pas prouver ça avec deux, parce que les narrateurs sont questionnables et ainsi de suite. Il y a des narrateurs qui se trompent beaucoup, on ne fait pas pleinement confiance à leur mémoire et tout, on ne peut pas se permettre de prendre un tel hadith de eux. Hadith fabriqué, c'est lorsqu'il y a une preuve que le hadith, c'est juste quelqu'un qui l'a wada'ahu. Il y en a qui inventaient des hadiths. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui inventaient des hadiths? Quelles étaient la raison pour laquelle il y a des personnes qui inventaient des hadiths? Égarer les gens, donc de façon volontaire, comme ici pour l'histoire de l'Gharaniq. Min wad'i al-zanadiqa. Zanadiqa, c'est les zindiq. C'est quoi les zindiq? Zindiq, c'est une forme d'hypocrite, de munafiq, mais une forme bien spécifique. C'est un munafiq, parce que le munafiq, ça peut être quelqu'un qui respecte... L'image peut être quelqu'un qui respecte l'islam, fait la prière et tout, mais il peut être munafiq dans le sens pour des motifs mettant... Afouen? Non, il peut être un munafiq, par exemple, sous l'angle politique, va être un traître avec les ennemis de l'islam et tout. Lui, sharia, il suit tout dans l'islam. Le munafiq qui est zindiq, c'est un munafiq qui va attaquer les principe de l'islam. Zindiq. Ça veut dire, veut sortir de la charia. Comme quelqu'un, il dit, on peut boire l'alcool, pas de problème. Tu peux être très bon croyant. Fais la salat, fais l'iman, tu peux être très proche. Comme on a dit dans la halaqa d'hier, dans l'explication du hadith, comme certains soufis, des zanadiqa. Toujours on se rappelle, dans toutes les sectes, il y a de tout. Tout comme dans l'islam, il y a de tout. Dans l'islam, il y a des croyants, il y a des munafiqin. Même dans les sectes, c'est la même chose ici qui s'applique. Dans les sectes, il y a des gens pieux, mais qui sont dans une bid'a. Ça peut être quelqu'un de pieux, qui craint Allah Azza wa Jal. C'est une bonne personne, c'est un bon croyant, mais qui fait des bid'a par ignorance. Et il y a des zanadiqa, des munafiqin, des hypocrites. Donc même dans des groupes comme les soufis, dans les sectes comme les soufis, il y a des zanadiqa. Et comme on a expliqué dans la halaqa hier, vous allez trouver dans les soufis, certains de leurs prétendus awliya qui disent « moi je peux boire l'alcool, je peux faire le haram, tout ce que vous considérez haram, moi je peux le faire. » Pourquoi ? Parce que je suis wali d'Allah Ta'ala et je peux comprendre des choses que vous, vous ne pouvez pas, savoir pourquoi. There's no way. Ne demandez même pas des questions. Et ils disent kun ma'a al-wali ou ma'a shaykhika kal-mayyit bayna yaday mughassilihi. Soit avec ton cheikh comme le mort devant celui qui le lave. Le mort devant celui qui fait le ghassl, le lave, il n'a aucune réaction. Complètement passif. Soit comme ça avec ton cheikh. Ton cher, tout ce qu'il fait, tout ce que toi, tu sais que c'est haram et tout, ne pense même pas à questionner ça. Parce que lui, il est wali d'Allah Ta'ala. Ça, c'est des zanadiqa. Ça, c'est clairement des zanadiqa. Ça, c'est pas des gens qui sont égarés par bid'a parce qu'ils ignorent, ils ne savent pas. Ça, c'est des shayatin, des zanadiqa. C'est clair. Donc, il y a parmi les munafiqin ceux qui sont des zanadiqa. On parlait de quoi déjà ? Gharaniq, non, mais juste après les gharaniq, on avait ouvert une parenthèse qui nous a mené vers les... Oui, ah, c'est ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qui motive les gens à fabriquer des hadiths ? Le prestige, très bien. Oui, il y a des narrateurs, ils veulent lui... Yughribu, il veut... Donc il va inventer des hadiths qui disent des choses belles, c'est pas nécessairement des choses qui attaquent, quoi, la religion. Mais il va dire tel il m'a dit que tel m'a dit que tel m'a dit que tel m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui fait salatul isha à l'heure son cœur va être illuminé et ses yeux vont devenir je ne sais pas quoi. Donc c'est quelque chose de bien, il n'a rien inventé n'a rien ajouté dans la sharia, ça ne fait que encourager. Mais lui il va faire quoi, l'igrab, pour que les gens disent oh tel narrateur il a hadith que personne ne connaît. Allons écouter de lui. Oui. Oui, mais même si ça, ok, même si ça c'est un peu exagéré, en passant, il faut juste faire attention à ce point, parce que ce point-là, il est utilisé par certains des détracteurs du hadith qu'on appelle les Qur'aniyyins, certains des orientalistes et tout, qui prétendent que les hadiths, ils ont été écrits sur ordre des sultans de Banu Umayya, c'est eux qui ont forcé les savants à écrire les hadiths et à leur faire des hadiths qui font en sorte que eux, ils aient le pouvoir et ainsi de suite. Donc oui, ça peut arriver, mais c'est pas mal rare. Non. Qu'il y ait des sultans qui vont... Ce qui est rare ici, c'est que dans le temps, bien sûr, pas aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a rien qui serait étrange, mais dans le temps... Il n'y a pas des dirigeants ou des sultans vraiment qui osaient arriver au point de défier la religion d'Allah Azza wa Jal, au point de dire à des gens, invente-moi un hadith. N'arrivez pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Oui. Donc ça, c'est les indirs, comme on a dit. Mais il y avait aussi l'idée, comme certains, encore une fois, adorateurs ignorants, certains wa'ad et certains qussas, qui, s'ils étaient avec nous aujourd'hui, ils seraient les top influenceurs sur TikTok et Instagram et tout. On appelle ça quoi ? Al-Qussas, ceux qui aiment parler aux masses des gens, ils aiment leur parler de la religion, ils ont un style très, très attrayant et tout. Et ils disent, nous, on ne fait que du bien. Alors, ils vont voir, les gens sont dans la musique, il y a trop de personnes qui sont en train d'écouter la musique, ils vont inventer un hadith sur la musique. celui qui écoute la musique, il va entrer dans l'enfer, il va avoir, je sais pas moi, des pierres qui seront dans ses oreilles et il va être puni de tel, de tel, de tel, pour effrayer les gens. Et si quelqu'un va leur dire, pourquoi tu inventes un hadith ? Il dit, nahnu nakdhibu lahu la alayhi. Nous, on fait des mensonges au profit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au profit de l'islam, pas contre l'islam. Vous comprenez ? Donc, certains, par leur ignorance, comme ça, ils pensaient que tu peux juste inventer un hadith pour que les gens prennent ça plus au sérieux. C'est clair ? Donc, cette histoire ici de Al-Gharaniq, d'un point de vue narration, c'est une histoire non fondée. Donc, on n'a même pas à la discuter normalement. De deux, ça va, comment ça ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, va faire l'éloge des divinités des mouchriquins, complètement inconcevable. Mais aussi, il dit ici, « Dalalatun ala butlani qissatil gharaniq » Lorsque Allah, parce que « qissatil gharaniq » selon cette narration-là, elle est reliée à sourate al-Najm. Comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait sourate al-Najm et après ça, il a fait l'éloge de leur divinité et eux, ils étaient très contents. Mais là, si tu vas lire sourate al-Najm, وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك هذه الآية فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسميات. Comment ça? Le prophète صلى الله عليه وسلم il leur fait l'éloge de leur divinité عليه الصلاة والسلام et après ça il dit vos divinités ne sont que des noms que vous avez appelés, vous ne suivez que nos vannes et vos passions alors que Allah Ta'ala vous a envoyé la guider. Et eux, ils vont dire, oh, merci, merci, tu as fait l'éloge de notre divinité. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quoi, il a fait? Si il avait fait ce qu'il n'a pas fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais si on essaie ici en théorie pour analyser la narration qui ne fait pas de sens, elle est contradictoire, la narration. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'éloge de leur divinité, en même temps, il a remis en question la vérité même de leur divinité dans la même phrase, dans le même passage, et eux, ils se sont réjouis de ça. Ça ne se tient pas, vous comprenez? Donc même d'un point de vue ici de sens, ça ne se tient pas. طيب, la ayah numéro 24 maintenant, la prochaine ayah, numéro 24. Allah Azza wa Jal, il dit أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désir. Donc là, c'est une question encore une fois. Vous remarquez dans sourate Najm, il y a beaucoup de questions. Et dans le Coran, mais qu'il y a beaucoup de questions. Pourquoi y a-t-il beaucoup de questions? Faire réfléchir. Et comme on l'a dit aussi, c'est le usloub de istifham al-inkari, ta'ajjubi. C'est parfois la question qui contient le blâme, qui contient de rabaisser cette idée, cette idéologie, de la remettre en question. Donc le Coran ici, il nous apprend, ça c'est quelque chose de très important dans le Coran, mais quoi? Ça nous apprend de faire la da'wa en passant à l'offensive des idéologies. Pas juste à la défensive de la vérité, mais de passer à l'offensive pour remettre en question le faux. L'erreur commune, contemporaine, c'est d'adopter une stratégie seulement défensive de la da'wah, causée par l'état de faiblesse des musulmans, qui fait en sorte qu'il y a des gens, quand ils font la da'wah, ils essaient toujours de défendre l'islam. Non, l'islam, c'est pas comme ça. Vous avez des shubuhat sur l'islam, non, mais moi, je vais vous clarifier, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais si tu ne passes pas à l'offensive de démasquer al-batil, il est quoi al-batil, le faux, il est quoi exactement, de le remettre en question, tu n'es pas en train de faire la da'wa la plus optimale. Alors là, Allah Azza wa Jal, il dit « Am lil insan, l'être humain, a-t-il ma tamanna, ce qu'il souhaite ?» Est-ce que l'être humain, il a ce qu'il souhaite, toujours? Non, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite. أي ما اشتهى وأمل والتمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه. Donc l'être humain n'a pas toujours ce qui le tente. قال القرطبي أي ليس له ذلك ليس للإنسان ما تمنى أي من البنين أي يكون له دون البنات. Donc écoutez ici, il y a des opinions très intéressantes. Première opinion ici que le Qurtubi il mentionne. Est-ce que l'être humain, il peut juste souhaiter d'avoir les fils et de laisser les filles à Allah Ta'ala? Est-ce que c'est sa décision de prendre? Nous, on va garder les fils. Les filles, elles sont pour Allah Azza wa Jal. Abli l'insani ma tamanna. Non. Wa qila amli l'insani ma tamanna min ghayri jaza'in. Laysa l'amru kadhalik. Est-ce que l'être humain peut se permettre de faire ce qu'il souhaite sans qu'il y ait de conséquences? Est-ce que c'est comme ça la vie? Même oublier la akhira, même dans la vie du bas monde. Est-ce qu'il y a comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut faire ce qu'il souhaite sans qu'il y ait de conséquences? Non. Quand on fait ce qu'on souhaite, il y a des conséquences qu'on aime et qu'on n'aime pas. Ce n'est pas toujours les conséquences qu'on aime. وقيل المراد في بالإنسان في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم. Une autre opinion qui est l'opinion de l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, imam al-Mufassirin, il dit que al-insan, l'humain dans cette ayah, ça parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A-t-il ce qu'il souhaite? Ay ashtaha an-nubuwata fa'ataahu Allah iyyaha. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste souhaité d'être prophète, Allah ta'ala lui a donné ça? Évidemment que non, parce que la prophétie ne s'acquiert pas an-nubuwa, contrairement à la connaissance et à la piété. An-nubuwatu la tunalu bil kasb. On peut pas acquérir la prophétie par le souhait. Ya Allah, imaginons si on vivait avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a pas de blocage, il y a pas de saut des prophètes. Maintenant c'est Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps après Ibrahim alayhi salam ou après Moussa alayhi salam, est-ce que l'un des croyants, des mu'minines très sincères avait la possibilité de lever la main vers le ciel? Ya Allah, fais de moi un prophète. Ya Allah, je vais être un prophète moi aussi. Ya Allah, élève-moi au rang des prophètes. On peut pas. Parce que la nubuwa, on peut pas l'acquérir. Incluant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas souhaité être prophète et Allah Ta'ala lui aurait donné ça en conséquence. Aussi, qu'il a le ma'na, amli al-kafiri ma tamanna min shafa'ati al-asnam. Donc là, plusieurs savants de tafsir, ils tendent vers l'opinion qu'on va citer maintenant, parce qu'elle est liée au ayat juste après. Est-ce que l'être humain peut juste avoir ce qu'il souhaite en termes d'intercession des divinités? J'ai des péchés, pas de problème. Je vais aller prier cette pierre et elle va m'intercéder, je vais entrer au paradis. Je vais entrer le Jannah, Allah il va me pardonner. Je veux que Allah soit, je veux que mon fils soit guéri, pas de problème. Je vais aller prier à l'astre et il va me donner ce que je veux. Amli l'insani ma tamanna, cette shafa'a, que c'est à nous de décider, même la shafa'a valide, shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder. Rappelons que le sens de shafa'a, l'intercession, c'est quoi? C'est quelqu'un, comme on dit de nos jours, qui va intervenir en ta faveur. Pourrais-tu intervenir en ma faveur auprès de tel? Et tu vas intervenir. Donc la shafa'a, c'est de s'attendre à ce que quelqu'un va intervenir pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a la shafa'a qui est valide, comme la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants le jour du jugement dernier, yawm al-qiyama. Mais cette shafa'a-là, est-ce qu'elle vient avec le souhait? Et on va la voir, c'est garanti. Incha'Allah yashfa' lana Rasulullah. Quelqu'un va dire, Alhamdulillah, on est muslimin, Incha'Allah, Rasulullah, ça c'est pas de problème. Il va nous faire la shafa'a yawm al-qiyama. C'est ça mon souhait, ça va arriver. Pas nécessairement. Même la shafa'a valide ici, sans parler de la shafa'a des mushrikin à travers leur divinité, comme on a mentionné. وَمِمَّنْ اِخْتَارَ الْعُمُومَ أي ليس لأحد ما يتمنى ويشتهي إنما الأمر كله لله ابن عطية والقرطبي بن جزي بن كثير السعدي. Donc il y a d'autres grands savants de tafsir qui ont dit ici que le sens il est le plus général. Tout ce qui est passé avant, ça c'était des exemples. Que le sens ici c'est que l'être humain a-t-il toujours ce qu'il souhaite dans la vie? Non. Ça c'est au sens le plus général, le plus global, أي ليس لأحد ما يتمنى بل الأمر بيد الله, car tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on avait tout ce qu'on souhaitait, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça c'est oui, on espère. Mais qu'est-ce qui est pire que ça en termes de croyance? C'est quoi l'implication? C'est comme si on était partenaire avec Allah Azza wa Jalla, équivalent à Allah Ta'ala. C'est tout ce que je souhaite, je vais l'avoir, ça veut dire j'ai le contrôle des choses, du sort des choses. Non, les choses elles sont entre les mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan, n'importe quel insan, incluant les prophètes, n'ont pas tout ce qu'ils souhaitent. C'est clair, n'ont pas tout ce qu'ils souhaitent. C'est pas parce qu'ils veulent quelque chose, ils aimeraient que quelque chose soit et elle va être. Ça c'est seulement Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est entre ses mains que tout revient Subhanahu wa Ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla il nous dit dans sourate Al-Baqara 111 wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ils ont dit nul ne va entrer au paradis à part celui qui est yahoudi, juif ou les nasara, les chrétiens. Tilka amaniyuhum, ça c'est leur souhait. Eux, ils ont décidé que ce soit comme ça. Parce que eux aimeraient que ce soit comme ça. Allah Ta'ala leur dit: "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Amenez donc votre preuve si vous êtes véridique. Où est la preuve? Où est la référence? Non, c'est seulement votre souhait. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit même à nous la même chose. C'est pas juste pour les juifs et les chrétiens, même à nous c'est la même chose. Laysa bi amaniyikum wa la amaniyi ahli al-kitab. Ce n'est pas par vos souhaits ni par les souhaits des gens du livre. Ça ne fonctionne pas comme ça la religion, le dîn d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam anna al-umniyata madhmuma wal-iradata mahmouda. Donc là, les ulama, ils font une belle distinction ici entre al-umniya et al-irada. C'est quoi l'irada? Là, la volonté. Et l'autre, c'est le souhait. Al-umniya. La volonté ici, iradatun. Le souhait, umniyatun. Alors, quelle est la différence entre les deux? Elle est importante. فرق بينهما أن الأمنية شهوة لا يصدقها العمل والإرادة هي ما يصدقه العمل. Le souhait n'est qu'une tentation, une passion simple, qui n'est pas validée par l'action, par le concret. La volonté, c'est quelque chose qui est validé par le concret. Il y a quelqu'un qui est étudiant au collège ou à l'université, qui assiste rarement à ses cours, qui n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est même pas les cours, ça parle de quoi, quels sont les livres de référence, autre chose. Mais il souhaite vraiment réussir. Inch'Allah, Inch'Allah, le jour, je vais avoir mon diplôme, Inch'Allah, j'espère que je vais l'avoir avec les meilleurs, Inch'Allah, les meilleures notes, Inch'Allah. Ça, c'est son souhait. Lui, il a des amani. Et les amani, c'est pas bien dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. C'est souvent cité dans ce sens-là, négatif. Il y a l'autre qui a une irada, une volonté. La même chose. Inch'Allah, je vais avoir, Inch'Allah, les meilleures notes, je vais avoir mon diplôme. Il est très assidu, bibliothèque, il révise, demande des questions, fait des recherches. Là, le sérieux de ses actions prouve que sa volonté elle est fondée, que ce n'est pas seulement des souhaits. La même chose dans Ad-Din, il y a celui qui dit Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, paradis, Inch'Allah, Al-Jannah, Inch'Allah, mais ni salat, ni sadaqa, ni Qur'an, ni dhikr d'Allah Azza wa Jal, ni Jannah pour lui, c'est quelque chose. Ça serait très intéressant, Inch'Allah, de finir le Jannah. C'est quelque chose de secondaire dans la vie. Mais sa volonté vraiment, elle est pour la dunya. Ce qu'il est dédié à la dunya. Il travaille très très fort pour la dunya. Et dans sa tête, quelque part en arrière, il y a ce petit souhait, Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, j'espère vraiment finir à Al-Jannah. Il y a l'autre qui est quoi? La volonté. Volonté, lui, salat, après une autre salat, après ça, il court, après ça, il cherche le halal dans son risque, ainsi de suite. Là, on peut voir où se trouve Al-Irada. C'est pour ça, ici, l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit... وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنْ رَجَى شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاءُهُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ. Nous dit l'imam Ibn al-Qayyim qu'il faut comprendre que celui qui a vraiment le raja, l'espoir véritable en quelque chose, il espère vraiment. Ce n'est pas un simple souhait, c'est de l'espoir qui est véritable. Ça implique trois choses. Numéro un, مَحَبَّتُ مَا يَرْجُوهُ. Il aime vraiment ce qu'il espère atteindre ou avoir. Numéro 2, خَوْفُهُ مِنْ فَوَاتِهِ. Il craint vraiment ne pas l'avoir. Il craint. Donc, il y a une différence ici entre, comme on a mentionné, celui qui dit, Inch'Allah, je souhaite vraiment, j'espère, Inch'Allah, avoir mon diplôme. Mais rien ne démontre qu'il a des craintes de rater son examen cette semaine. Il n'a pas l'air vraiment de se soucier trop. Si je passe, c'est bien. Si je ne passe pas, pas grave. Il y a l'autre qui a une certaine inquiétude que si je ne fais pas assez de travail, je vais rater mon examen. Ça, c'est la deuxième implication. Troisième implication, « سَعْيُهُ فِي تَحْصِيلِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ » Un espoir qui est véritable, il vient avec une troisième implication qui est le fait de faire de son mieux selon ses capacités pour atteindre son but ou son objectif. وَأَمَّا رَجَاءُ لَا يُقَارِنُهُ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ. Tandis qu'un espoir qui n'a aucune de ces trois implications-là, il dit فَهُوَ مِنْ بَابِ الْأَمَانِي. On appelle ça un souhait et pas un d'espoir. طيب. Aussi, les ulama, ils disent أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا. Est-ce que l'être humain a-t-il ce qu'il souhaite? Les ulama, ils disent aussi, c'est quoi, entre autres, le message de cette ayah, un autre message de cette ayah, الْمَقْصُودُ إِبْطَالُ نَوَالِ الْإِنسَانِ مَا يَتَمَنَّهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَا يَتَمَنَّهُ بَاعِثًا عَلَىٰ أَعْمَالِهِ وَمُعْتَقَدَاتِهِ. Ici, l'idée, c'est d'invalider, de rejeter le fait que l'être humain se fonde sur les souhaits pour décider de qu'est-ce qui devrait être fait ou ne pas être fait, pour décider de c'est quoi ma religion. Encore une fois, ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ont inventé ces divinités-là? Si je donne un autre exemple, les soufis, ceux qui suivent, parce que vous allez demander comme question, comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont assez naïfs, vous pourriez dire, pour suivre des zindiqs qui leur disent que moi je suis un wali d'Allah et je peux me permettre de faire ce que je veux et que moi j'ai commencé à danser et à tourner comme une toupie comme ça et après ça soudainement je vais arriver à un certain état dans lequel je suis dans al-kushufat et que je viens d'avoir accès à un autre monde et ainsi de suite. Comment se fait-il, vous allez dire, qu'il y ait des gens? Parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a que des gens ignorants avec eux. Vous allez trouver des universitaires qui suivent ce genre de personnes-là, qui vont même les financer, leur faire des dents, leur embrasser leurs mains, ainsi de suite. Comment y a-t-il, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui suivent des gens pareils? Al-hawa. Mais quelle forme de hawa ici? Quoi plus spécifiquement? Plus, va plus loin, oui. Ok, donc parfois c'est une quête de pouvoir, donc c'est autre chose, c'est des raisons d'influence et autre chose, utiliser la religion pour d'autres. Oui, ça se peut. Oui, Akhi. La facilité, c'est beaucoup plus facile de faire des petites actions comme ça que de C'est ça. Oui, donc c'est ça. C'est regarde, pourquoi moi je sacrifie, je me casse la tête à suivre sharia, halal, haram, avoir des restrictions et tout. Moi, je suis pas ce genre de personne. Souhait. Je vais accepter que le gars, lui, vraiment, il est wali d'Allah et que il me dit « No worries, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je vais intercéder pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. » De ce fait, moi, je suis quoi? Sauvé. Soué. C'est pour ça Allah Ta'ala dit « Amlil insan ima tamanna » Non, l'être humain ne peut pas fonder ses croyances, sa religion sur des... sur des souhaits. Ça, c'est pas exagéré, ok? Ça, c'est vrai. Et c'est pire que ça. Il y en a plein. Cherchez des, si vous cherchez en arabe, les vidéos sur Internet, sur les soufis et tout, vous allez trouver... c'est même trop drôle, parfois. Une fois, il y avait un... Je suis certain qu'on peut trouver la vidéo encore sur YouTube, quelque part. Cher soufi, comme ça, quelque part, je pense que c'était en Syrie ou autre chose. Il avait une grande audience devant lui. Et il leur a dit, hier, dans mon rêve, je vous ai vus tous. Et on est entré au paradis, le Jannah. Vous étiez avec moi, on est entré au Jannah. Et les malaïkas sont venus, ils ont dit, ils ont retenu certains parmi vous. Ne vous inquiétez pas. Je leur ai parlé, je dis, ils sont avec moi, laissez-les. On est entré tous ensemble. Allah! Donc ça c'est quoi? C'est un... un souhait. Pourquoi je me casse la tête, moi, à devoir, encore une fois, faire des sacrifices, suivre des restrictions et tout, si j'ai déjà fait confiance à un wali d'Allah, supposé wali d'Allah, qui va m'emmener avec lui au paradis? Oui. Oui, c'est certain, comme on a dit. Dans toutes les sectes, tu vas trouver plusieurs variétés. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous ordonne, comme dans toute chose, de faire l'insaf, de faire preuve de justice et et d'objectivité. Wa idha qultum fa'dilu. Quand on dit pour ça, toujours on essaie de clarifier. C'est pas tous les soufis qui sont comme ça. Il faut pas. Mais moi, je parle de certains soufis qu'on voit extrêmes qui tombent dans des trucs de shirk et des turuqiyat et ainsi de suite. Comme c'est le cas en général des courants soufis de nos jours. En général, les courants soufis de nos jours, les tariqas, ainsi de suite. Tasawuf, c'est quoi l'idée de tasawuf? Ça a commencé par où? C'est quoi l'idée initiale? Du soufisme, c'est quoi? S'éloigner de la dunya. Zuhd, ascétisme, spiritualité. C'est de ça que ça a commencé. C'est pour ça que c'est tout début. Le tout début, quand ça commence comme ça, le tasawuf, c'est difficile de faire voir aux gens quel est le danger de cette chose. La seule voie vraiment, c'est juste de leur expliquer que ça, c'est une bid'a. C'est pas comme ça que le... c'est pas l'idée même qui est bid'a. C'est pas l'idée de l'ascétisme ou de s'éloigner de la... c'est comment tu le pratiques. C'est clair? Donc là, ça peut arriver du tasawuf de Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ou autre chose qui contient des bid'a, des choses fondées sur des hadiths faibles ou autre chose, des choses un peu extrêmes, de s'isoler de la dunya de façon quoi? Extrême. Mais avec une bonne foi, ce n'est pas shirk billah, c'est pas des indirs, c'est pas. Mais ça se développe. Mais le tasawuf qu'on a aujourd'hui, il n'a rien de s'éloigner de la dunya. Dans les pays arabes, dans lesquels il y a, si vous allez rejoindre une tariqa, a'udhu billah, de soufi, ainsi de suite, c'est la dunya abondante. Ces gens-là sont extrêmement riches. Il y a des cheikhs de Turquie, de soufis de nos jours en Chypre et tout, qui sont des réseaux internationaux, c'est une vraie mafia internationale. Parce que ce cheikh-là, il a un grand pouvoir sur tout un réseau. Et dans leur assemblée de tasawuf et tout, c'est la bouffe à flot. Au contraire, c'est à travers comme ça la nourriture et la dunya et tout qu'ils attirent beaucoup de gens, la masse. Donc ça n'a rien à voir ici, ça va à l'encontre même de l'idée... vendeur initial, que nous on est spéciaux parce que nous on est dans le zuhd, on est dans la akhir, on n'est pas dans la dunya. Mais là le gars qui n'est pas dans la dunya, il mange plus que toi, il est plus riche que toi, il profite plus que toi, mais il n'est pas dans la dunya. Ça n'a rien de logique. Mais comme on a dit, on ne va pas tout mettre dans le même sac. On ne dit pas tous les soufis font du shirk ou font... Oui, akhi. Non, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est sincère. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Quelqu'un, ça se peut que le tamanni se réalise, mais ce n'est rien de garanti. J'espère que demain, Inch'Allah, il va faire beau. Ou un agriculteur quelque part en Afrique, il va dire, j'espère que demain, Inch'Allah, il y aura la pluie. Ça, c'est un tamanni. Parce que ça ne peut être que ça. Il n'a aucune volonté, aucun contrôle sur le qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il va pleuvoir demain. Ou qu'il ne va pas pleuvoir demain. Mais il faut que l'être humain comprenne que le souhait ne lui appartient pas. Donc, comme on a mentionné, il y a deux sens principaux ici dans la ayah, deux messages principaux. Soit que le message principal, c'est que l'être humain, ce n'est pas ce qu'il souhaite qui va se réaliser toujours. Ou que l'être humain, ce n'est pas à lui de faire la religion comme il le souhaite. De bâtir sa propre religion, ses propres croyances, de dire « Ah, la vérité c'est comme ça ». Pourquoi ? Parce que ça me fait du plaisir, ça me fait du bien que ce soit comme ça. C'est comme ça que je souhaiterais que ce soit. Oui. Il y a laïta, c'est plus un style qui représente le souhait. Mais le mot souhait, c'est pas mal ça, c'est « at-tamanni ». Oui, et à l'aïta, c'est « Oh, si seulement hmm? !» Forme de regret, mais ça peut venir aussi les tamanni. Ok ? Ça peut venir. C'est pour ça les ulama, encore une fois, ils font « Farq bayna raja, taradji wa bayna tamanni. »« La'alla li taradji. »« La'alla » c'est pour l'espoir. Mais l'aïta, ça peut faire, mais encore une fois, ça c'est des formules que la personne dit et qui font référence à un sentiment de souhait. Mais le souhait, ça s'appelle at-tamanni. Mais comme on a dit ici, le deuxième message, amlil insani ma tamanna, c'est que l'être humain ne peut pas se faire sa religion selon ses propres souhaits personnels. Comme les certains ulama, ils disent même dans le cadre de l'islam, en passant bien sûr, on peut parler des mouchriquines, des kuffars, mais on peut parler à un niveau moins grave que cela, mais qui a quand même une forme d'égarement, ce n'est pas du kuffar certainement, mais une forme d'égarement qu'on peut trouver même dans certaines opinions de jurisprudence et tout. C'est croyance, regardez, vous allez me répondre, il y a la croyance et il y a la preuve. En termes logiques, qui devrait arriver en premier ? La preuve. Istadil, thumma a'taqid. Cherche la preuve. Une fois que tu vas trouver la preuve et que tu vas la comprendre, là tu peux bâtir tes croyances. La fausse approche, c'est l'envers. I'taqid, thumma istadil, c'est fais-toi une croyance que tu aimes, après ça commence à chercher des preuves pour la soutenir. Là on ne sera pas guidé comme ça. Et ça, comme on l'a dit, ça peut s'appliquer à un niveau majeur, plus grave, bien sûr l'aqida, et ça c'est une question de kufr et de islam, mais ça peut être à un niveau moindre, moins grave que cela, qu'on peut trouver même dans certains livres de certaines opinions de jurisprudence. Certains juristes, son madhab à lui, ça c'est l'opinion du madhab. Lui, il est Hanafi ou Shafi'i ou Maliki ou Hanbali ou autre chose. Ça c'est telle opinion dans son madhab. Mais il veut défendre quand même l'opinion du madhab. Et il va essayer de chercher une façon de justifier par des hadiths et autre chose pour que ce soit son madhab qui soit vrai. C'est clair ? Oui. Que c'est vrai. Et moi, ça me dit, donc, Non, non, on parle ici, je parle des preuves qui sont les preuves légitimes dans la charia. Donc, tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose que la science expérimentale de nos jours, empirique, n'a pas prouvé. Mais moi, je n'ai pas besoin de sa preuve. Parce que moi, la preuve de ma croyance, c'est quoi? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique. C'est de cette preuve quand moi, j'ai lu une preuve, j'ai lu un hadith. Ah, le hadith, il implique une croyance. J'y crois. C'est clair. Et ça, c'est très souvent, juste inverser ça, c'est très souvent la raison, de, encore une fois, de l'égarement idéologique de plusieurs musulmans de nos jours. Il a déjà fait, il a déjà fait sa tête, comme on a dit, il a déjà décidé comment ça devrait être. C'est le Covid, on devrait faire comme tout le monde, fermer le masjid, s'éloigner, arrêter la salette et tout et tout. On doit faire comme tout le monde. Maintenant, il faut trouver une façon de justifier ça par le Coran ou par la Sunna et autres, par maqasid sharia, n'importe quoi. Juste trouve quelque chose comme ça dans l'islam qui sonne comme... C'est clair. Il y en a plein, il y en a tellement des gens comme ça. Tellement. Des idéologies comme ça, faussées, qui sont basées sur cet inversement. Le musulman, il doit faire de son mieux. Bien sûr, on est tous des êtres humains. C'est pas toujours facile. C'est un effort de mujahada à faire parfois dans certaines situations. Faire de mon mieux pour, dans certaines situations, me dissocier de mes positions personnelles, de ma culture, de ce que mes ancêtres, mes parents m'ont dit, de ce que mes amis m'ont dit, ce que mon cher favori l'a dit, peu importe, de mes passions, mes shahawat. Je fais de mon mieux pour me dissocier de ça, pour que lorsque je vais lire le Coran, lire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais entrer dans ça avec un esprit qui est vierge, qui est prêt à juste accepter la vérité. C'est tout. Mais si je rentre avec une certaine résistance, où je veux déjà que ce soit comme ça ou comme ça, là je vais avoir du mal à être vraiment guidé. Et pour conclure ici, il dit « أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا » بمعرفة المعرف بمنزلة المعرف بلام الجنس فوقوعها أي ليس جاريا على إرادته شمل ذلك كل تمنيهم شفاعة الأصنام أنا parlé de ça ici تمنيهم أن يكون الرسول ملكا regardez entre autres le prophète صلى الله عليه وسلم parmi leurs souhaits aussi les mouchriquins ils ont souhaité l'intercession des pierres. Ils ont souhaité aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un malak, soit un ange. Ils ont dit, si Allah Ta'ala envoyait un prophète, il aurait envoyé un ange. Ça c'est leur souhait. Pourquoi tu veux que ce soit ainsi? C'est eux qui souhaitent que ce soit ainsi. Que Allah Ta'ala envoie des anges, pas des êtres humains. Aussi, ils ont dit, لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Pourquoi est-ce que Allah Ta'ala il a envoyé Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam, comme prophète? Non, non, Allah s'il a envoyé un prophète, ça devrait plutôt être tel leader de Quraysh. Il est plus respectable dans nos cœurs. C'est pas à vous. Amlil insani ma tamanna, c'est pas l'être humain qui juste souhaite et il décide comment Allah Ta'ala il devrait lui donner. Dans l'autre ayah aussi, i'ti bi Qur'anin ghayri hadha. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ramène-nous un autre Coran différent de ce Coran. Ou modifie un peu ce Coran. On veut un islam français, l'islam de la République. On va l'accepter. On veut un islam saoudien, islam marocain, islam algérien. Chacun veut son islam à sa guise. Comme ils ont dit les mouchriquins avant. Fais-nous islam qui respecte ici et pas de problème. On va t'accepter, tu vas avoir plein de droits. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça laysa al-bal amaniyul insan bi yadillahi yu'ti ba'daha wa yamna'u ba'daha. Les souhaits de l'être humain sont entre les mains d'Allah Azza wa Jall. Il donne certaines et il retient certains autres. C'est pour ça la ayah juste après, dont on va traiter en détail dans la prochaine séance, genre la numéro 25, Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla dit? Am lil insani ma tamanna? Falillahi al-akhiratu wa al-ula. C'est à Allah qu'appartiennent les demandes, la akhira ainsi que la première, la dunya. C'est pas à l'être humain de décider. Tout appartient à Allah Azza wa Jalla, c'est pas à nous. On décide comment devraient être les choses. C'est clair? Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.